11e chapitre. Ce que c'était que Mouton. Disons quel était ce monde qui arrivait et qui mettait fin à l'importante conversation qui se tenait entre Michel, Vatrin et moi à l'endroit de Pritchard. C'était Maquet qui venait d'augmenter les locataires de mon palais des singes du dernier des Laides-Manoir et avec lequel je faisais à cette époque le chevalier de Maison Rouge. C'était De Fienne, c'est-à-dire un des plus excellents cœurs que je connaisse, quand son esprit ne se croit pas obligé d'avoir une opinion en littérature. C'était Atala Beauchesne qui avait joué avec tant de grâce Anna Dambi dans Kean et qui devait jouer avec tant de sentiment Geneviève dans Les Girondins. Enfin, c'était mon fils. Je reçus mes hôtes. Je leur livrai la maison depuis la cave jusqu'au grenier, l'écurie avec les 4 chevaux, les remises avec les 3 voitures, le jardin avec son poulailler, son palais des singes, sa volière, sa serre, son jeu de tonneaux et ses fleurs. Je ne me réservais qu'un petit pavillon à verre de couleur, à la muraille duquel j'avais fait adapter une table et qui l'été me servait de cabinet de travail. Je prévins mes visiteurs qu'il y avait dans la maison un nouveau commensal nommé Mouton et les avertis qu'ils n'eussent pas trop à se fier à son nom, m'étant familier, mais ses mœurs m'étant inconnues. Je le leur montrai, assis dans une allée et dodelinant, à la manière des ours blancs, une tête où 2 yeux phosphorescents jetaient une flamme rouge comme le reflet de 2 escarboucles. Au reste, pourvu qu'on ne lui cherchât point querelle, Mouton restait parfaitement inoffensif. Je chargeai Alexandre de faire les honneurs du tout. Quant à moi, il ne s'agissait pas de m'amuser, il s'agissait de faire mes 3 feuilletons. Je ne dis point que mes feuilletons ne m'amusent pas à faire, mais en les faisant, je ne m'amuse pas à la façon dont s'amusent ceux qui n'en font pas. On se répandit dans le jardin, et chacun choisit, selon son caprice, qui les singes, qui la volière, qui la serre, qui les poules. Moi, qui étais vêtue en chasseur, je montai à ma chambre afin de me vêtir à la fois en hôte et en travailleur. Vous saurez, autant que la chose peut vous intéresser, qu'été comme hiver, je travaille sans gilet et sans redingote, en pantalon à pied, en pantoufles et en manches de chemise. La seule différence que la succession des saisons amène dans mon costume est de changer l'étoffe de mon pantalon à pied et de ma chemise. L'hiver, mon pantalon à pied est de drap. L'été, mon pantalon à pied est de basin. L'hiver, ma chemise est de toile. L'été, ma chemise est de batiste. Je descendis donc 10 minutes après, avec une chemise de batiste et un pantalon de basin. « Qu'est-ce que cela ?» demanda Atala Beauchesne. « C'est un père que j'ai voué au blanc, » répondit Alexandre. Je passai à travers une haie d'acclamations et je gagnai mon pavillon de travail. J'étais en train de faire le bâtard de Moléon et comme mon voisin Chalamel venait de me donner Mouton, juste au moment où je commençais le roman, j'avais eu l'idée d'illustrer Mouton en lui faisant jouer un rôle dans mon nouveau livre. Procédant toujours à la manière de Walter Scott, j'avais commencé par faire le portrait de Mouton sous le nom d'Alan et en faisant cadeau à Don Frédéric, frère de Don Pedre. Voici le portrait d'Alan, ce qui me dispensera de vous faire le portrait de Mouton. Derrière eux s'élança un chien bondissant. C'était un de ces vigoureux mais sveltes chiens de la Sierra, à la tête pointue comme celle de l'ours, à l'œil étincelant comme celui du lynx, aux jambes nerveuses comme celle du daim. Tout son corps était couvert de soies fines et longues qui faisaient chatoyer au soleil leur reflet d'argent. Il avait au cou un large collier d'or incrusté de rubis avec une petite sonnette du même métal. La joie se trahissait par ses élans, et ses élans avaient un but visible et un but caché. Le but visible était un cheval blanc comme la neige, couvert d'une grande housse de pourpre et de brocart, qui recevait ses caresses en hennissant comme pour y répondre. Le but caché était sans doute quelque noble seigneur retenu sous la voûte dans laquelle le chien s'enfonçait impatient pour reparaître bondissant et joyeux quelques instants après. Enfin, celui pour lequel hennissait le cheval, celui pour lequel bondissait le chien, celui pour lequel le peuple criait « Viva !» parut à son tour et un seul cri retentit, répété par mille voix. « Vive Don Frédéric !» Si vous voulez savoir, cher lecteur, ce que c'était que Don Frédéric, il faut lire « Le bâtard de Mauléon ». Je ne me suis engagé à vous dire qu'une chose, c'est ce qu'était Mouton. Vous le savez maintenant. Suivons donc le nouveau personnage qui nous croise, sans savoir même où il nous conduira. C'est ce qu'on appelle, en matière de chemin de fer, un embranchement. Et en matière de poésie et de roman, un épisode. L'Arioste est le créateur de l'épisode. Je voudrais pouvoir vous dire quel est l'inventeur de l'embranchement. Malheureusement, je ne le sais pas.